on commence avec le troisième et dernier volet du sixième rapport du GIEC qui a été publié hier soir. Selon ce rapport, pour limiter le réchauffement climatique, les solutions existent bel et bien, Natacha. Oui, à l'heure actuelle, si rien n'est fait, nous dirigeons vers un réchauffement à plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Un monde à plus de 3 degrés, c'est un monde avec des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses. Plus de canicules, plus de sécheresses, plus de précipitations. Mais ce que nous dit ce rapport, c'est que l'on peut encore limiter le réchauffement climatique. La spécificité de ce dernier volet, c'est qu'il porte sur l'atténuation, c'est-à-dire sur toutes les solutions qui existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Alors pour cela, les 278 scientifiques du GIEC ont évalué plus de 18 000 articles à ce sujet. Il en ressort que, pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est encore à portée de main, il faudrait quasiment diviser par deux les émissions mondiales d'ici 2030. Alors cela signifie des transformations majeures dans tous les secteurs. Ce rapport a identifié les principaux leviers d'action. Céline Guichard est directrice de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Elle est la co-autrice de ce rapport. Un des messages importants du rapport, c'est que les options de réduction des émissions, elles sont de nature très différente et que c'est finalement ensemble tout un paquet d'options qui sont connues aujourd'hui. Le rapport montre que, prises ensemble, elles pourraient à peu près diviser par deux les émissions mondiales. Donc il y en a qui portent sur l'adoption de technologies, panneaux solaires, véhicules électriques, etc. Il y a toute une gamme de solutions qui portent davantage sur la transformation de nos modes de production et de consommation. Donc par exemple, repenser les chaînes d'approvisionnement pour qu'il y ait moins de transport de marchandises, consommer des produits qui sont plus durables, réparables, recyclables. Et il y a des options qui passent par la transformation de nos infrastructures et puis de nos organisations sociales. Donc par exemple, ça va être des options pour permettre le report de la voiture vers des transports en commun. Mais finalement, on a besoin de transformer nos villes, nos infrastructures, pour que ce soit possible pour tout un chacun d'avoir accès à ces solutions. Alors c'est un rapport qui est mélangé entre des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, vers un peu à moitié plein, à moitié vide, ça dépend comment on le regarde. Mais une des bonnes nouvelles, c'est que nombre d'options de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont vu leur coût diminuer très significativement ces dernières années. On parlait du solaire. Le solaire, les coûts ont été à peu près divisés par 10 sur cette décennie. Et ça devient donc une option qui est rentable dans beaucoup d'endroits du monde. Avec les collègues du groupe 2, alors évidemment, il subsiste des incertitudes sur les quantifications précises des coûts de l'action et des coûts de l'inaction, mais on peut dire de façon robuste que le coût de l'action est plus faible que le coût de l'inaction. Donc finalement, agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est un investissement qui est rentable à long terme par rapport aux bénéfices qui nous apportent d'éviter les effets les plus graves du changement climatique. Voilà, Céline Guivarch du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Je vous renvoie comme chaque jour à notre fil Twitter @lamethodefc pour trouver eh bien le détail non seulement de ce troisième volet du rapport ainsi que le lien vers l'émission que nous avions consacrée à ce sixième rapport du GIEC pour le deuxième volet. Tout ça et tous ces liens, vous pouvez les retrouver donc sur notre fil Twitter comme chaque jour @lamethodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans la revue PNS, il existerait 16 types de sommeil chez l'humain. Une biobanque britannique a collecté les données de plus de 100 000 dormeurs, tous munis d'accéléromètres, des bracelets intelligents, pour capter les moments de veille ou de sommeil. Des chercheurs anglais ont développé un algorithme d'apprentissage automatique pour faire l'analyse de ces données. Ils ont ainsi identifié 16 phénotypes de sommeil, 5 grands groupes divisés en sous-catégories. Alors cette catégorisation commence avec ceux qui souffrent d'insomnie sur une longue durée de sommeil et va jusqu'aux personnes qui dorment toute la nuit sans avoir besoin de sieste. Alors selon les auteurs, cette classification en phénotypes pourrait aider à mieux comprendre et mieux soigner les insomnies. Et vous êtes quel phénotype, Natacha? Le premier. Ah merde. Oups, pardon. Allez, selon une étude parue dans la revue Nature Communication, Mars serait volcaniquement plus actif que nous le pensions. Une équipe internationale a analysé les données collectées par la mission InSight, qui depuis l'atterrissage de son rover en 2018 a enregistré plus d'une centaine de tremblements de Mars. Les chercheurs ont repéré 47 nouveaux événements sismiques qui proviennent d'une région qui s'appelle Cerberus Fossae. Alors comme ces séismes se sont déroulés à n'importe quel moment de la journée, Il ne s'agit pas d'un effet de marée de la lune Phobos. Selon les chercheurs, ces tremblements de Mars répétitifs, à basse fréquence, sont déclenchés par l'activité volcanique dans le manteau supérieur, sous Cerberus Fossae. Et enfin, selon une étude parue hier encore dans la revue Pines, au Panama, dans une forêt protégée, les oiseaux meurent sans que l'on sache exactement pourquoi. Et depuis 1977, tous les 6 mois, les chercheurs comptent le nombre d'oiseaux de cette forêt tropicale du parc national de Soberania, une zone forestière vaste de 22 000 hectares qui est protégée depuis plus de 50 ans. En 44 ans, le nombre d'oiseaux a drastiquement chuté. Près de 70% des espèces d'oiseaux sont en déclin. Et pour 35 des 40 espèces concernées, leurs effectifs ont chuté de moitié. Seules 2 espèces ne sont pas concernées par ce phénomène. Les auteurs n'identifient pas les causes de ce déclin, mais ils soupçonnent un effet du réchauffement climatique. Cette étude suggère que les populations d'oiseaux déclinent partout dans le monde.